dans le bac, la peau du port de la cravate. Le travail, le sport, le rhume, la politique, nique, nique. L'art dans la bande, la misère, les vieux qui nous regardent de travers. La télé, les abrutis, le métro en fondé, l'envie de faire pipi. Moi, ma moi, comme un gueuton. Ouais, ça c'était la chanson engagée.